Autant que je m'en souviens que c'est tout gosse que j'ai fait ta rencontre, un coup de foudre. Amoureux sans m'en rendre compte, j'ai croisé ton regard et épousé toutes tes manies. Fin 70, Maroc, Darbeda, seul oxygène pour ma survie. 82, putain de rupture, j'ai quitté bête pour la France. Surpris de te retrouver là-bas sous une autre apparence, plus aguicheuse, plus attrayante, plus clean. Laval à Marseille, vie à Paris sous toute forme, tu te déclines. D'entrée Dieu, je m'incline, viens combler mon vide. J'ai 14 piges, t'es éternel, ma belle, t'as pas pris une ride. Mes premiers pas, tu guides, auprès de toi, je côtoie le bonheur, j't'ai dans la peau. À chaque seconde, chaque minute, chaque heure, c'est tous les suceurs dit je t'aime. Sache que moi je t'adore, relation passionnelle. À la vie, à la mort, tu m'as ouvert les bras. Je me suis jeté dedans comme dans le vide. Tellement accro, j'en ai des crampes dans le bide. J'ai épousé la rue, pour le meilleur et pour le pire. Une femme de valeur, de principe à retranscrire. Elle m'a élevé, tu gosses, m'a armé pour la vie. L'entremetteur qui m'a mis dans ses bras doit en être ravi. J'ai épousé la rue, pour le meilleur et pour le pire. Une grosse bitch qui sent le vice quand elle transpire. Pour elle, tant de frères se tuent, tant destin brisé foutu. Épouse, maîtresse, amour, trahison, ma moitié c'est la rue. Les années passent, et v'là que tu me fais des gosses dans le dos. Je les ai tous acceptés comme ma propre femme et mes propres marmots. Toute façon, je viens de là où les gens n'ont rien pour t'en donner. Question partage, donne même ma vie pareil qu'on est des mômes fous. À mes 16 piges, t'as voulu me tester, voir de quoi j'étais capable. Si j'étais ton boss, t'as gagné la sanction, tant de coupable. 3 mois de heps, tout le monde ne parle que de toi. Ne rêve que de toi, tes ambiances qui m'attirent encore plus vers toi. Dès la sortie, tu m'attendais cash, en repart plus belle. Je nique tout et tes prétendants flippent trop d'ex et zen. J'en le respect, la crainte, tellement maintenant je te maîtrise. J'en ai grave, je vois que les fils à papa qui nous méprisent. Je vois qu'aussi les balanciers nous qui m'attendent au tournant. La vie de luxe à tes côtés, ça rend sûrement trop gourmand. Jamais rassasié, je rate jamais un des rencarts, celui de trop. Ligue de meneur, là au point de départ. J'ai épousé la rue, pour le meilleur et pour le pire. Une femme de valeur, de principe à retranscrire. Elle m'a élevé, tu gosses, m'a armé pour la vie. L'entremetteur qui m'a mis dans ses bras doit en être ravi. J'ai épousé la rue, pour le meilleur et pour le pire. Une grosse bitch qui sent le vice quand elle transpire. Pour elle, tant de frères se tuent, tant destin brisé foutu. Épouse, maîtresse, amour, trahison, ma moitié c'est la rue. Et la prison est surtout dans ma tête. La souffrance, la daronne en parloir est pire que la perpète. Mais je vois que t'en as rien à foutre. Sale pute, je suis qu'un pigeon de plus avec lequel tu veux en découdre. Ma parole, j'ai qu'à bien scruter autour de moi. Tous de la baisse, tes ex vendent du mineur au pape, du rapza au Renoir. Un coup de flip, mêlé à la joie, je suis enfin libre. Un truc s'est cassé en moi, ma vie infile et je tiens plus l'équilibre. Putain, lâche-moi, j'ai envie de passer à autre chose. Et que Chétan est de la partie, moi je propose, toi tu disposes. J'ai pris de l'âge, fondé ma famille, j'ai plus à te côtoyer. Mais rien à faire, un simple clin d'œil, et me v'la soudoyer. Je plonge, sors, replonge, l'impression de me noyer. Je dors plus, cogite nuit et jour et sans, j'aime réveiller. Je broie du noir, mais l'amour de mes proches m'aide encore à y croire. La tête haute, c'est ça ma vie, la rue juste un exutoire. J'ai épousé la rue, pour le meilleur et pour le pire. Une femme de valeur, de principe à retranscrire. Elle m'a élevé, tu gosses, m'a armé pour la vie. L'entremetteur qui m'a mis dans ses bras doit en être ravi. J'ai épousé la rue, pour le meilleur et pour le pire. Une grosse bitch qui sent le vice quand elle transpire. Pour elle, tant de frères se tuent, tant destin brisé foutu. Épouse, maîtresse, amour, trahison, ma moitié c'est la rue.